الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله في كتاب الكريم للأولين والآخرين. فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولأجل هذه الغاية العظيمة شرع لنا هذا الصيام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة من شرعية الصوم بلوغ تقوى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. وهكذا مما يجب علينا أن نتعلمه، لا سيما لمن أراد أن يحافظ على هذا الصيام، إذ الصيام ينبني على ركنين اثنين: الإمساك مع النية، أي نية التعبد. فكان لزاما على كل مسلم حافظ على صيامه أن يتعلم ما هي المفطرات، أي مفسدات الصوم. وفي هذه الخطبة ألخصها بإذن الله تبارك وتعالى. فأولا: الأكل والشرب عمدا، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أطيموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا خلاف في ذلك. ويدخل في هذا الإبر المغذية: أما من أكل وشرب ناسيا فلا قضاء عليه، فليتم صومه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: التقي عمدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي، رواه داود وصححه العلامة الألباني. وهكذا: من تعمد سببه بإدخال إصبعه في حلقه، أو النظر إلى المكروه، أو شم رائحة كريهة، ثم قاء، كل ذلك من المفطرات. ثالثا: خروج دم النساء، خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولو خرج بلحظات قليلة قبل المغرب أفطرت المرأة وعليها القضاء. أما لو أحست بحركات الدم في بطنها قبل المغرب ولم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح، فالعبرة بخروج الدم. ولو طهرت الحائض في أثناء النهار لا يجب عليها الإمساك لغروب الشمس، لكن يلزمها القضاء فقط على الصحيح. ومن مفطرات الصيام الردة، أعاذنا الله وإياكم منها، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك: العزم والجزم بالفطر حالا، أي أن ينوي قطع الصيام بنية بقلبه، هذا من مفطرات الصيام، إذ من شروط صحة الصيام النية، بخلاف الذي نوى الفطر في المستقبل، هذا لا يضره، إلا إذا تناول ما يفطره. ومن المفطرات الاحتقان من الدبر، على رأي الجمهور، جمهور، وبعضهم يقولون، والبعض يقول: هذا يفطره إذا صعد إلى الجوف فقط. ومن المفطرات بلع النخامة من الفم إلى الجوف لغير المريض ممن يمكنه التحرز منها بدون مشقة، أما البساق فلا يفطر. أما من كان جاهلا بالحكم هذا لا يدخل في هذا، أي لا يفطر إذا بلغها جاهلا. ومن المفطرات أيضا تعمد إنزال المني بالاستمناء أو بتكرار النذر أو بتقبيل الزوجة، كل ذلك إذا أمن من المفطرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته. ولا شك أن إنزال المني من الشهوة، وهذا أعني الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غير رمضان. أما من فعل السبب ولم يخرج المني هذا لا يفطره. ومن المفطرات الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث الحديث: فمن صام ومات قبل غروب الشمس أفطر. وكل ما ذكرت من المفطرات ومن وقع فيها عالما ذاكرا متعمدا قاصدا عليه القضاء. ومن المفطرات أيضا الجماع من مفطرات الصيام، ومن وقع في ذلك وكان من أهل الوجوب ولم يكن من أهل الأعذار عليه القضاء مع الكفارة. وهذا خاص بمن وقع في ذلك في نهار رمضان في شهر رمضان. أما من قضى أياما من رمضان في غير رمضان لا تلزمه الكفارة، وإنما جعلت الكفارة لاحترام للزمان. واشترط أهل العلم في تفطير الصائم أن يكون عالما بالحكم ذاكرا وقاصدا. أما من أكره على الأكل والشرب وغير ذلك لا يفطر هذا. وهكذا من نسي إذا تذكر أمسك وتم صومه وصيامه صحيح. وكفارة من وقع في على أهله على الترتيب لا على التخيير عتق رقبة، فإن لم يستطيع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا في نهار رمضان وفي لياليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers frères, durant ce mois, l'adoration principale est le jeûne, le fait de jeûner ce mois. Et ce jeûne repose sur deux piliers: l'intention d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et la retenue de tout ce qui peut annuler notre jeûne. Il incombe donc à l'ensemble des musulmans, à l'ensemble de ceux qui espèrent avoir un jeûne accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'apprendre ce qui peut annuler leur jeûne. Et parmi ceux qui annulent le jeûne, il y a donc le fait de manger et de boire volontairement. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en Coran: et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire l'entrée du fajr de la nuit, puis poursuivez votre jeûne jusqu'à la nuit. Et dans le hadith à thème divin, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi. Et il n'y a aucune divergence à ce sujet. Donc la personne qui mange ou boit volontairement durant la journée du mois de Ramadan aura annulé son jeûne et entre sous ce jugement l'utilisation des piqûres nutritives annule également le jeûne. Quant à celui qui a bu ou mangé par oubli, celui-ci n'aura pas annulé son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a bu ou mangé durant la journée de Ramadan par oubli, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Mais à ce moment, ou bien dès qu'il se souvient de son état de jeûne, il doit s'abstenir de manger et de boire, et il poursuit son jeûne. Son jeûne sera valable, incha'Allah ta'ala. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait de se faire vomir. Il y a le fait de se faire vomir volontairement, que ce soit en mettant ses doigts dans sa bouche, que ce soit en regardant une chose détestable ou en sentant une odeur nauséabonde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui vomit involontairement n'aura pas à rattraper ce jour. Et celui qui se fait vomir volontairement doit rattraper ce jour. Donc toute personne qui se fait vomir volontairement aura annulé son jeûne et devra rattraper ce jour. Quant à la personne qui a vomi involontairement, celle-ci poursuit son jeûne, son jeûne est valable et elle n'aura pas à le rattraper. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a également la sortie du sang des menstrues, des règles ou bien des lochis. La femme qui a cet écoulement durant la journée du mois de Ramadan, ne serait-ce qu'un instant avant le maghrib, aura annulé son jeûne et elle devra rattraper un autre jour. Quant à la femme qui sent le sang à l'intérieur de son ventre, mais ce dernier ne coule qu'après le maghrib, donc le coucher du soleil, celle-ci aura jeûné un jeûne valable, elle n'aura donc pas à le rattraper. Donc celle qui a ses menstrues avant le coucher du soleil, avant le maghrib, aura annulé son jeûne et devra le rattraper. Quant à celle qui a l'écoulement qu'après le coucher du soleil, celle-ci n'aura pas à rattraper ce jour car il est valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'est-ce pas que lorsque la femme a ses menstrues, elle délaisse la prière et elle délaisse le jeûne. Donc parmi les annulatifs du jeûne, il y a le sang des menstrues et le sang des lochis. Il n'est donc pas permis à la femme qui a ses menstrues de jeûner. Et si la femme se voit pure durant la journée du mois de Ramadan, son jour ne sera pas comptabilisé. Elle n'a donc pas à s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Elle n'aura donc pas à s'abstenir de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Elle devra juste rattraper ce jour. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a l'apostasie, le fait de commettre un des annulatifs de l'islam, le fait de faire une chose qui fait sortir la personne de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Car Allah nous dit dans le Coran, et s'il nous avait donné des associés, nous aurions annulé toutes leurs œuvres. Donc celui qui tombe dans le polythéisme majeur ou la mécréance majeure aura annulé son islam. Son islam, et parmi ce qu'il aura annulé, il y aura son jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne, le fait de couper son intention, le fait de mettre fin à l'intention du jeûne. La personne qui, avec son cœur, s'arrête de jeûner, aura annulé son jeûne. Car parmi les conditions de validité du jeûne, il y a l'intention. Et il repose sur l'intention. Contrairement à celui qui a mis l'intention dans le futur de rompre son jeûne, cette personne n'aura pas rompu son jeûne tant qu'il ne fera pas une chose qui annule son jeûne comme manger et boire. Parmi les choses qui annulent le jeûne, le fait de faire entrer une matière étrangère par le derrière, comme un suppositoire, selon l'avis de la plupart des savants. Et d'autres ont conditionné que cette matière remonte jusqu'à la gorge ou à l'estomac, qu'elle soit véhiculée par exemple par le sang ou par les muscles. Dans le cas contraire, cela n'annulera pas le jeûne de la personne. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a également le fait d'avaler ses glaires. Le fait d'avaler les glaires, contrairement à la salive n'annule pas le jeûne. Le fait d'avaler ses glaires, dans certaines situations, annule le jeûne de la personne. Si la personne a des glaires qui descendent du nez ou qui remontent de la gorge, et que cela arrive à sa bouche, puis elle avale ses glaires, tout en ayant la capacité de ne pas le faire, beaucoup de savants disent que cela annule son jeûne. Par contre, si la personne est malade, ou si elle a des allergies, donc elle a des glaires souvent, dans ce cas-là, elle sera excusée, car il y a une grande difficulté pour cette personne à se prémunir de ses glaires. Et dans le doute, vaut mieux s'éloigner de cela. Parmi les annulatifs, il y a également le fait de faire sortir son liquide volontairement, c'est-à-dire le sperme volontairement, que ce soit de par la masturbation en regardant à plusieurs reprises une femme ou en embrassant son épouse, et toutes les causes qui peuvent amener à ce résultat. Et cette action, j'entends par cela la masturbation, est interdite pendant Ramadan et durant toute l'année. C'est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit dans le Coran, donc de laquelle nous devons nous éloigner durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Quant à celui qui fait les causes, mais dont le liquide ne sort pas, celui-ci aura pris des péchés, mais il n'aura pas annulé son jeûne. Mais il n'aura pas annulé son jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a également la mort. Il y a également la mort. En effet, la mort peut se présenter à toi alors que tu es en état de jeûne. Mais sache que si tu décèdes avant le maghrib, ce jeûne sera annulé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent. Toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois parmi elles. Donc celui qui décède durant la journée du mois de Ramadan aura annulé son jeûne. Parmi les choses qui annulent le jeûne de la personne, le fait d'avoir des rapports avec son épouse ou le fait d'avoir des rapports avec une femme de manière générale. Celui qui a des rapports, même s'il ne finit pas, aura annulé son jeûne. Et il sera tombé dans le plus grand des annulatifs du jeûne. Car il devra, en plus de se repentir, rattraper ce jour. Et en plus de cela, il y a une expiation. Comme cela nous est cité dans le hadith d'Abi Huraira, dans lequel un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, « Je me vois anéanti. » Il lui a dit, « Pourquoi cela ?» Il lui a dit, « J'ai eu des rapports avec mon épouse durant la journée de Ramadan. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les expiations en lui disant, « Affranchis un esclave. » Affranchis un esclave. Alors l'homme a dit, je n'ai pas la capacité, car il était pauvre. Il lui a donc dit, jeûne 2 mois consécutifs. Il lui a dit, je n'ai pas la capacité de faire cela. Il lui a donc dit, nourris 60 pauvres. Il lui a dit également, je n'ai pas la capacité de faire cela. Donc voici les trois expiations dans l'ordre pour celui qui a eu un rapport avec son épouse dans la journée de Ramadan. Et cela sous condition. La première, que cette personne se voit dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Donc s'il est en voyage, il n'a pas l'obligation de jeûner Ramadan, il a donc le droit d'avoir des rapports avec son épouse. La deuxième condition, c'est qu'il n'ait pas d'excuse. C'est qu'il n'ait pas d'excuse, comme le malade qui peut rompre son jeûne. Et la troisième chose, c'est le fait que cela ait lieu durant le mois de Ramadan. Car cette expiation a été mise à titre de respect envers la noblesse de ce mois. Donc celui qui rattrape des jours de Ramadan dans l'année, donc dans un autre mois que le mois de Ramadan, puis tombe dans cela, n'aura pas l'expiation à faire. Et une remarque importante concernant les annulatifs du jeûne, c'est de savoir que celui qui est tombé dans un des annulatifs par ignorance, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, par exemple, que le fait de se faire vomir annulait le jeûne de la personne, ben celui-ci n'annule pas son jeûne, car il est ignorant. Celui qui est ignorant de l'annulatif et tombe dedans n'aura pas annulé son jeûne et doit poursuivre son jeûne. Deuxièmement, celui qui tombe dans un des annulatifs par oubli également n'aura pas annulé son jeûne. Celui qui mange par oubli par exemple n'aura pas annulé son jeûne et doit le poursuivre. Et troisièmement, pour annuler son jeûne, il faut faire cette action volontairement. Donc celui qui est contraint de faire une action n'aura pas annulé son jeûne. Celui qui par exemple, pendant qu'il dormait, on lui a jeté de l'eau et cette eau est rentrée dans sa bouche. Ou bien celui qu'on a menacé et a été donc contraint de boire ou de manger, car il a eu peur pour sa vie, tous ces gens-là n'auront pas annulé son jeûne. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété durant ce mois et durant les autres mois de l'année, de nous permettre de l'adorer comme il lui plaît, subhanahu wa ta'ala. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma affiqna li siyam. اللهم وفقنا للصيام وفقنا للقيام يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة